dans ta rapide, je lui mets le plein. C'est l'empire du 9-3, fais pas le mec. Dans l'histoire des orges, je suis hors norme. J'mets une casio, elle se transforme en pâté. Check, affranchis, musique à Nostra, tu vas tout me donner sans le pétard. Prise de mer, Vendetta, Fédération, Drangheta. Tout est balayé, nettoyé, essuyé. Si tu nous vois plus, c'est qu'on est dessus. J'ai fait tout mon chiffre entre avril et juillet. J'ai béni mon fiscaliste et mon écuyer. Dans la salle de sport, ça pue le pédo. Dans la salle de sport, ça pue le pédo. En marche arrière, vers les barrières. Sors ta carrière, j'ai foutu le veto. Dernier étage, Paris s'endort. Ça parle de rue, c'est ténébreux. J'attends la mort, palais, renfort. Mon avocat plaide en hébreu. Calzo, damn. Hybride comme l'ADN, fric dans l'ADN, feu dans la BM. Nique la PM et la PN, les faux millionnaires qui grattent les APL. Gifle en rap, en trap, en drill, en up tempo. Redouté chaque année comme les impôts. Trop macabé si je vis d'un extendo. God damn. Jeune et ambitieux, taf minutieux, toujours en mission. Damn. Un brique et un chiffon cramé au shit, j'suis dans les chiffres. Orphelin innocent, aucune émotion, via 100%. Numéro 10, marche dans la ville comme un maire d'arrondissement. Oh. Les quartiers chauds maîtrisent la mélodie. T'as tourné le dos, maintenant tu veux faire la bise. Les quartiers chauds maîtrisent la mélodie. T'as tourné le dos, maintenant tu veux faire la bise. Habillé en Island Stone, sur la guitare des Rolling Stones. Des coups de prod en deux secondes, levez vos verres et dites skull. On arrive conquistador, quartier nord dans la Ventador. Timo devenu Cador, wesh Amo, ceinture Ferragamo, Salvator. Y'a Drogba, Neymar, Okocha, je braque de Weimar, va choquer. C'est pas Nam Seymar, choquant. Clic clac, bloqué. Elle m'appelle Amore Mio, elle veut grimper dans la Garillo. Elle recherche Sicario. Clic pop, clic pop, comme Mario. Quand le loup n'est pas là, n'est pas dans la forêt. Quand les petits font halar, mais comme Salvatore. Quand le loup n'est pas là, n'est pas dans la forêt. Quand les petits font halar, mais comme Salvatore. Je dédicace même plus les pétasses. Parce qu'il y a peu de gens quand tu es dans l'impasse. Les années passent, moi je la fais. Parce que personne ne m'a fait la passe. On met les gaz, chien de la casse. C'est moi qui passe, si t'entends l'avion de chasse. Aujourd'hui ça passe, demain ça casse. Dis-moi combien rêverait d'être à ma place. Mon son dans l'oreille chargé devant le sas. Cagouler le frérot, il veut faire des liasses. T'as pris de la masse, tu fais des menaces. Mais t'es cool en face car ça sort le famas. Le chant des balles, si vous voulez me faire belle, ne chantez pas. Et quand vous parlez de moi, ne mentez pas. Si vous m'aimez pas dans la caisse, montez pas. L'avenir. Gros, ça m'a fait la peine quand j'ai vu que la trappe plongée. J'ai encore du chemin à faire, j'ai des problèmes à éponger. T'es là quand c'est bien, t'étais où quand les soucis me rongeaient. Aujourd'hui c'est la gratuité, avant tu voulais pas m'arranger. J'ai même plus que j'ai défauché, j'ai même plus que j'ai défauché. J'ai même plus que j'ai défauché, j'ai même plus que j'ai défauché. T'es mal à la compo, titulaire, j'mets des coups de crampons. J'fais ce qui pas été strass, pas de stress, j'suis cramé comme Chanto. Million de vie, j'suis toujours un loupard, j'peux taper la piole à Maluma. Faut se taire quand on devient coupable. Faut se perdre pour trouver l'introuvable. Vélé, vélé, dans ma tête, c'est Tony et Béné. Véné, je n'ai aucune crainte si du bénéfice dégainé. Crie pas au génie, j'ai pas fini, fini. Je vais les finir à l'opiné. Le thème à la scène, c'est Denis. Fais ce qu'on a fait, pas ce qu'on a dit de faire. À satisfaire ton ego, ton oubli de plaire. Comme les terres-terres, on a dit que leur dit-leur, dit-leur. Que j'ai fait mes rêves précaires dans une allemande. Je me suis réveillé dans la tête, dans un Twingo décidé. Passer mon temps à éviter les mythos, les mythes, les légendes, les schmittés. Je vis serre les schlags en étant célébrité. Petit con, j'attends la monnaie de la sick. Je suis comme El Chapo avec les pas Covid. Pas la ma Marseille dans le crime, c'est réel, c'est pas un film. Alicante, Alicante, t'as fait nada que tu chantes. Légendaire comme Slap Kant, équipe lourde, arrogante. Tu fais la pute pour un belge, je fume la verte comme un belge. Que tu cries comme une vierge, mais c'est quand tu presses la détente. On sera quitte quand tu payes, c'est pas le Mexique, c'est Marseille. J'ai pas de couplet qui s'enraye, je sais que je vais te fumer depuis la veille. On a mis les gants et serré les dents, tête de délinquant, ça c'est évident. On a des quiches, ma biche pour les tailles, le respect pour toutes nos vieilles. Sur le poignet j'ai lâché choc. Sur le poignet j'ai lâché choc. Depuis minuit je sais que je les choque. Depuis minuit je sais que je les choque. Ça guette sous le parasol. Au PJ back Interpol. Me note dors sur le sol. Alicante, Alicante. Quand le loup n'est pas là, n'est pas dans la forêt. Quand les petits font halar, mais comme Salvatore. Quand le loup n'est pas là, n'est pas dans la forêt. Quand les petits font halar, mais comme Salvatore. Sa mère, j'passe la tempête, j'suis revenu juste pour prendre ma place. J'raconte pas tout ce que j'fais, j'ai l'impression que ça me porte la poisse. J'suis derrière, j'le dépasse, il a pas su nous faire de passe. Mais t'inquiète pour ces chiens de la casse, 7,65 quand j'me déplace. Hein? Paname, c'est très organisé. Et si sur moi t'as pas misé, ça sert à rien de sympathiser. J'suis au bar, j'suis vers Saint-Antoine. Les frérots me disent alors ma race. J'fume le jaune qui tabasse. Hein? 45 S, 44 Magnum, 20 piges. Et le R, c'est déjà 4 albums. Hein? T'as des grammes d'alcool, tu fais l'Al Capone. Je vais m'en aller, y'a la hure qui me colle. Continue de travailler quand les autres rigolent. Et je dis aux petits frères pas quitter l'école. Si toi aussi un jour t'en veux plein les poches. Depuis un bail dans ce putain de game, le soleil se lève et je sors de l'ombre. Bah ouais, j'ai les yeux pissés jusqu'à l'aube. Ils disent tous SOL, c'est les hommes. Demande à Kops, LAMS, Fonso Manes. Doudou la vovo sans faire de malaise. Toi-même tu sais que le J c'est le S. J'suis avec Motherfuck, Warrior et NAPS. Y'a des bails à surmonter, j'les surmonte à l'aise. Grandi dans la rue, on connaît les jazz. 31 jazz sur le bigot, ça c'est la commission. Paye la calélico. Je suis dans les quartiers sensibles. Famille nombreuse, pas très sableux. Y'a ta quiche à fermer, ils tournent les belles. Ça crie ah ah ah, ouais, ça rafale le. J'arrive, les souris s'arrêtent de danser quand la calache se met à chanter pas. Sur le torse, mais sur la tête, t'es bang. T'es Marx, ganté, ouais. J'arrive, les souris s'arrêtent de danser quand la calache se met à chanter pas. Sur le torse, mais sur la tête, t'es bang. T'es Marx. Je veux vivre de la musique, comme Johnny, j'ai choqué du monde avec Barbara King. Je veux tout niquer pour les vrais Barbara King. Les Barbara qui vouent, une machette, un couvreau, un pas avec des gestes, on pourrait être menacé. J'ai l'impression que le sale m'a enlacé. J'ai le cœur et j'ai la voix cassée. T'es costaud, mais devant nous, tu fais la voix douce, tu me fais penser à ma cassie. Boum, j'arrive sans prévenir comme un condé. Ouh, t'étais quand dans l'auto, je recomptais. Boum, je vois le mal partout quand je suis ganté. J'ai pas le cardio d'Engolo Kanté. La rue la vraie, qui peut la raconter? Je sais pas qui croire, je sais pas qui écouter. Fin de soirée, parfois Panam. Viva Street ou annonce Haram. Dans le secteur, on est harag. Y'a personne qui nous met la hagra. 50 euros, j'utilise pas de Viagra. Sur la plaquette, j'découpe que des 20 grammes. Dedans et dehors, j'vois que des dingueries. J'suis un vrai zaza, j'fais que quand des quand le loup n'est pas là, t'es pas dans la forêt. Quand les petits font harag.